n'est pas le mien. Et peut-être le vôtre. Est-ce qu'un pays appartient? À l'un plutôt qu'à l'autre. À l'un plutôt qu'à l'autre. Appartient.